Les jours heureux. Les souvenirs heureux des étés langoureux au calme de soirées alanguies et rieuses, exquisément bercées par des liqueurs pulpeuses, effacent quelque peu ces temps cadavéreux. Nos plaisirs insouciants furent le miel suave où l'on puisait souvent la force d'affronter les matins grisonnants de journées tourmentées quand le rire est parti. Tellement on en bave. Ils ne se plaignent pas, ceux qui disent cela, mais c'est ce qu'ils ressentent en simple vérité, et plus que pour tout autre en leur simplicité, c'est un besoin d'amour, dit avec ces mots-là. Passé le crépuscule, on se réunissait ensemble, on refaisait le monde à satiété, toujours prompts à penser une autre société conçue dans le respect, l'amitié, la paix. Quand nous reverrons-nous, mes complices gourmands, tout me manque, nos crises et nos vaines disputes, dont on n'a jamais su de ce que l'on discute, mais où l'on se vautrait voluptueusement.